Je me permets de rigoler. Si Christ n'existait pas, faudrait pas l'inventer. C'est un réel consensus. N'attends pas la faux pas. Tu es seul capable depuis qu'il est fétus. On ne peut pas confondre. Tu es seul avec muscus. Tu es seul mais bête, méchant, violent. Et moi discret et russe. Tu es seul mais une petite frappe. Il se vit depuis le magasin. À l'époque, il garderait en vie. Et un sillon diable. Qui te laisse des sans vergogne. De leur propriétaire. Qui t'insultait complètement. Sans oublier leur mère. L'anaconda rédige son théorème. Et n'admet aucun alinéa. Il ne souffre aucune exception. C'est son premier postulat. Précis qu'un missile, plus arbitraire qu'une loi, QSM tape et tape.